Les gens restent vigilants, ils pratiquent impunément des techniques d'aveuglement. Transforme notre quotidien pour affaiblir notre rayonnement. Véhicule énergie négative dans notre environnement. Les taux se resserrent, tu vis comme sous serre. Le système se sert de toi comme un cerf. Dans ses serres acérées, tes viscères sont serrées. Ta viscère acérée, leur vichère ulcérée. Eh, les gens restent vigilants, ils pratiquent impunément des techniques d'aveuglement. Transforme notre quotidien pour affaiblir notre rayonnement. Véhicule énergie négative dans notre environnement. Ils ont créé toutes les monarchies, des colonies et ta patrie. Maca terroriste, Wall Street, et tes crédits. Je te parle de sataniste, des colonies et ta patrie. Maca terroriste, Wall Street, et tes crédits. Je te parle de sataniste, des colonies et ta patrie. Maca terroriste, Wall Street, et tes crédits. Je te parle de sataniste, des colonies et ta patrie. Maca terroriste, Wall Street, et tes crédits. Je te parle de sataniste, des colonies et ta patrie. Maca terroriste, Wall Street, et tes crédits. Il est en train de faire du coma dans lequel t'es plongé. Regarde autour de toi, le monde est en train d'imploser. Les sous-masses vivent la guerre, la famine, la destruction. Mais presque partout empreinte du protocole de Sion. Tu pensais que c'était fatal la crise économique. Pas pour la Banque mondiale, quand y'a pas de dette, y'a pas de fric. Attends, c'est pas fini de l'OMS au FMI. Les politiques nous préparent tout un tas d'infamie. Leur souci principal, le contrôle démographique, asservir les consciences par la pensée unique. UNWO, c'est un mot illuminati. Franc-maçon et cabale depuis des siècles, la partie. Mensonges, tyrannie, propagande, désinformation, orgueil et vanité, leur nicoïen, communication, une élite dans l'élite. Tu tiens les ficelles, des pantas qui nous gouvernent, c'est mettre les juste à coup de pelle. Le ciel américain est gardé comme une forteresse. Quand deux avions s'y crachent, c'est quand même une putain prouesse. Tu trouves pas ça louche, tu trouves pas ça l'air. Rencarre-toi sur la famille Bush et à l'histoire qu'on l'est. Des rituels sataniques, aux orgies maléfiques. Voilà pourquoi tu fais ces enculés du G8. T'enfoncer dans le vice et serrer la vis. La haine, le sexe, l'argent, via les médias, ils sacralisent. Les lois et l'ordre sont mondialisés, les grandes puissances factices. On s'approprie les dernières richesses qui s'épuisent. Il faut que nos idées paternistes préparent à la riposte avant qu'ils nous lobotomisent. Tu penses qu'on perd les pédales? On est conspirationnistes, on dénonce juste d'agile. Faut citer sur sa liste.